Tu viens? Tu viens avec nous? Tu viens avec nous au cinéma? 2. Tu es content? Tu es content du prof? Tu es content du prof de français? 3. Une idée? Quelle idée? Une bonne idée.